Merci de rester à l'écoute. Bienvenue à l'édition de la mi-journée de son dimanche. Voici d'abord les titres. Le président de la République du Burundi s'insurge en fond contre certains extracteurs de minerais à Kabarole qui ont vendu frauduleusement des mines à l'étranger. Selon Évariste Ndayishimiye, l'argent gagné à partir de la vente de ces mines serait utilisé dans la construction de différentes infrastructures d'intérêt public. Et la jeunesse burundaise est appelée à s'impliquer davantage dans le secteur d'innovation dans le but d'atteindre le développement durable. C'est l'appel lancé par le ministre de la Communication. C'était lors de la clôture des travaux de la semaine dédiée à l'innovation. Et la journée des contribuables célébrée chaque année au Burundi s'inscrit dans le cadre de faire connaître les activités menées par l'Office burundais des recettes. C'est à la précision du ministre des Finances. C'était ce samedi lors du lancement officiel de la foire des produits fabriqués au Burundi. Les détails, c'est dans quelques secondes. La présentation, c'est avec Cornelia Mutro et Eric Uimana sur la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le président du gouvernement du Burundi s'insurge en fond contre certains extracteurs de minerais à Kabarole qui ont vendu frauduleusement des mines à l'étranger. Selon Évariste Ndayishimiye, l'argent gagné à partir de la vente de ces mines serait utilisé dans la construction de différentes infrastructures d'intérêt public. Le président du Burundi indique également que la contrebande de certains produits vivriers pratiqués par la population de Kabarole est la cause principale de la flambée des denrées alimentaires. Il a dit ce samedi en province Kayanza, c'était à l'occasion de l'inauguration du bureau provincial construit en étage. Suivez le président de la République du Burundi, traduit en français par Léonce Bitaliho. Je vois des gisements d'or, mais je ne vois pas l'argent y tiré. Où est-ce que vous avez mis cet argent? Je n'arrivais pas à comprendre cela. Tous ces gisements d'or de Kabarole. Mais en revanche, on ne voit pas l'argent. Un jour, vous m'expliquerez tout cela. Comment osez-vous extraire ces minerais et aller vendre à l'extérieur du pays? Ça entre dans la mauvaise gestion économique. Et la personne qui sera auteur devra fournir des explications. Essayons d'analyser ensemble. Si on pouvait collecter l'argent tiré de tous ces minerais de Kabarole, on allait encore dire que le Burundi est pauvre. Avec cet argent, notre pays souffrirait encore de la pénurie de carburant, de manque de médicaments ou de routes. Avec cet argent, on pouvait construire la route Bujumbura jusque dans la commune Kabarole. Mais où est-ce qu'il est allé cet argent? C'est ce qui montre que nous sommes bêtes. Précédemment, vous avez pris le haricot et maïs et vous êtes allé vendre ça à l'extérieur du pays. Et vous revenez dire que vous avez faim. Et j'avais pourtant mis en garde cette fraude. Vous criez maintenant qu'aujourd'hui, la vie est chère suite au prix de denrées alimentaires. Ce qui fait mal, c'est que plusieurs d'entre vous ont été complices dans ce commerce frauduleux. Dieu a voulu vous montrer l'erreur que vous avez commise pour en tirer leçon. C'est honteux que vous préférez aller vendre frauduleusement ailleurs sans vous soucier du lendemain. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, traduit en français par Léonce Bitaliho. La journée des contribuables célébrée chaque année au Burundi s'inscrit dans le cadre de faire connaître les activités menées par l'Office burundais des recettes. Le ministre des Finances l'a rappelé ce samedi lors du lancement officiel de la foire des produits fabriqués au Burundi. Audace Niyonzima a indiqué que cette foire va contribuer à sensibiliser les contribuables sur l'utilité de payer les taxes. Suivez-le. La journée du contribuable fait partie des activités de sensibilisation et d'éducation au civisme fiscal que le BEI conduit chaque année. Cette activité de journée du contribuable, elle est organisée d'abord sensibiliser les contribuables, les éduquer et leur apprendre ce que le BEI fait dans la collecte des impôts et taxes. Et en même temps, le BEI donne l'occasion aux contribuables qui produisent au Burundi de faire la publicité de leurs produits. Et en faisant la publicité de leurs produits, nous espérons que ces contribuables vont se développer et payer davantage de taxes et d'impôts. La valeur ajoutée est très visible, d'autant plus que depuis que le BEI a été créé, la collecte des impôts et taxes a augmenté d'année en année, d'au moins 15% chaque année. C'est pour comprendre que ce ne sont pas des activités qui sont vaines, ce sont des activités qui portent des fruits. Donc si les contribuables n'étaient pas sensibilisés, peut-être que la collecte pouvait stagner ou ne pas augmenter ou reculer. Mais on constate que ça augmente, la collecte augmente d'année en année, donc ce qui signifie que ces activités portent des fruits, une valeur ajoutée pour le pays. Ceux qui n'ont pas encore compris le bien fondé de payer les impôts et les taxes, je leur dirais qu'ils sont en arrière. Je leur demanderai de changer parce que c'est en payant les impôts et les taxes qu'on contribue à l'édification du pays. Donc si on ne paye pas les taxes, on n'aura pas les routes, on n'aura pas les hôpitaux, on n'aura pas les écoles, on n'aura pas tout ce qui montre que le pays est développé. La jeunesse burundaise est appelée à s'impliquer davantage dans le secteur d'innovation et dans le but d'atteindre le développement durable. Appel lancé par le ministre de la Communication lors de la clôture des travaux de la semaine dédiée à l'innovation. Toutefois, Léocadie Ndjeisaba indique que les jeunes burundais ont déjà fait un pas du fait que cette année, plus de 1500 projets ont été présentés, dont 20 premiers jeunes ont été déjà primés. Suivez-la au micro de Jean-Marie Vianing Ndakoumane. Notre appréciation en rapport avec cette semaine d'innovation, c'est bonne. Nous avons apprécié donc l'organisation, nous avons apprécié nos jeunes talentueux parce que plus de 1500 jeunes ont été enregistrés, se sont fait inscrire en ligne pour toutes les provinces du pays. Parmi ces 1553 jeunes, on a eu à sélectionner 20 jeunes qui viennent d'être primés. Tous, chacun a eu un prix de 3 500 000 francs burundais pour leur accompagner dans leur projet qu'ils ont montré et qu'ils ont expliqué aux autres qui étaient ici. Et quel appel pourriez-vous lancer à la jeunesse pour qu'ils puissent s'intégrer davantage dans le secteur d'innovation? Nous lançons un appel à tous les jeunes, à toute même la population burundaise, parce que la jeunesse, c'est le pilier du développement, parce que d'après les études, on a vu que plus de 60% de la population sont les jeunes. Nous lançons un appel à ce que les jeunes puissent entreprendre, puissent créer, puissent innover pour faire leurs propres projets, pour se développer eux-mêmes. Parce qu'il y a tant de choses qu'ils peuvent innover, qu'ils peuvent faire pour se donner eux-mêmes de l'emploi, pour couvrir ce dont ils ont besoin eux-mêmes. Page éducation, avant de mettre fin à cette édition 114 Matela, tel est le don remis au lycée Lumonge ce samedi par le gouverneur de Lumonge. C'est un don de la part de certains natifs de la province Lumonge, des anciens de ce lycée et d'autres personnes qui se sont sentis interpellés par le manque de sous matériel apporté à l'internat tout au début de cette année scolaire en cours. Les bénéficiaires de ce don en sont très satisfaits. Le point avec Jean-Pierre Misago. Cet élève du lycée Lumonge dit être désormais à l'abri de cette tracasserie dans l'assemblage des morceaux de matelas pour dormir, mais là aussi sans sommeil parfait. Mais le son de cloche chez son camarade qui avait du mal à suivre les cours après une nuit presque blanche. Les élèves qui se sont exprimés espèrent qu'ils vont désormais recouvrer le sommeil parfait et ainsi suivre convenablement les leçons du lendemain, ce qui pourra les aider à améliorer le rendement scolaire, comme l'a suggéré d'ailleurs Léonard Nyonsaba, gouverneur de Lumonge, lors de la remise de ces matelas. Innocent Sabiyumba, directeur de cette école, se dit lui aussi satisfait de ce don de matelas. Il appelle les autres âmes charitables à emboîter ce pas, car ce lycée, avec plus de 430 élèves internes, avait seulement 100 matelas, plus ou moins encore utilisables. D'autres domaines, comme les manuels scolaires, les produits de laboratoire, le matériel de cuisine, nécessitent également du soutien, ainsi que l'achèvement de la clôture de cette école déjà commencée pour la sécurité de l'école, dit le directeur du lycée Lumonge. Depuis 2020, nous avons commencé avec les parents ce projet de clôture de l'école. Nous sommes à une table satisfaisante, je peux le dire, parce que 6 700 mètres de périmètre du domaine de l'école. Nous sommes déjà à 700 mètres qui sont déjà clôturés. Et nous demandons avec insistance que les natifs ou les autres donateurs puissent effectivement venir en aide. Parce que ça va permettre à ce que les élèves soient en sécurité, les maîtres de l'école soient en sécurité. 714 matelas remis au lycée Rumonge par le gouverneur de Rumonge ont une valeur de 8 550 000 francs burundais collectés par certains des natifs de Rumonge, certains des anciens de cette école et d'autres personnes mises au courant de ce problème. Et le gouverneur de Rumonge a demandé aux élèves d'en faire bon usage. La commune de Rumonge a promis un don de 60 matelas très bientôt pour soutenir cette école, la seule publique à régime d'internat que compte cette province, a déclaré l'administrateur communal de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. C'est par ce reportage de Jean-Pierre Misago que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. La présentation vous était avec Ornella Mocho. Yeah.